Au bureau de poste. Écoute, Paul, Guy m'attend. Tu veux lui téléphoner pour moi? Bien sûr, je peux faire ça pour toi. Oh, merci. Je veux envoyer un télégramme. Alors, qu'est-ce que je dis à Guy? Dis-lui, Marie-Claire ne peut pas venir tout de suite. C'est tout. Et s'il n'est pas là? Parle à la concierge. Elle est toujours là, elle. Est-ce que tu voudrais aussi téléphoner aux Louviers? Si tu veux. Eux, ils sont certainement là. Qu'est-ce que je leur dis à eux? Dis-leur, Marie-Claire et Guy ne peuvent pas venir ce soir. D'accord. Où se trouve le téléphone? Là, dans le coin. Tu peux acheter deux jetons au comptoir. Un jeton, c'est combien? 40 centimes. Au revoir. 40 centimes? Deux jetons, ça fait 80 centimes. Voyons, j'ai 2 francs 20. 2 francs 20 moins 80 centimes, ça fait 1 franc 40. 1 franc 40, ce n'est pas assez pour les égouts. Oh, les femmes!